L'association d'amitié avec la Corée Séjon en Espagne a présenté dans son page internet Network d'une Corée le numéro intitulé Joie de mai, monde de la classe ouvrière. L'auteur y a indiqué que d'innombrables presses du monde ont présenté comme nouvelle spéciale l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée avec ses photos. Il a exalté le dirigeant coréen qui prodigue toutes sortes d'amour au peuple travailleur, suivant la noble volonté des leaders qui faisaient toujours grand cas des ouvriers.